Oui, excusez. Hey, allô? Allô? Un, deux. M'entendez-vous? Qu'est-ce qui se passe? Attendez là. Restez là, hein? Qu'est-ce qui se passe? Bon. Ah, c'est pas le bon micro. Et voilà, ça peut arriver, hein? On la refait-tu celle-là? On va faire deux prises parce qu'on n'avait pas pris le bon micro. C'est ça, ici, il y a tellement de SM58, des SM58, là, qu'on peut se tromper. Imagine-toi si ce serait des fusils. Et on la refait, celle-là. Line E. Ah, Line E. Sentez-vous, hein, la petite union, là, depuis quelque temps, là. Line E et moi, là. Oh, ça va aller loin, ça va aller loin. Vous êtes allé. Je vous invite au mariage. Vous fournissez le vin, le pain et le poisson. Et moi, je paye le reste. Il ne restera plus grand-chose, hein. Oh, je suis un ratoureux. Comment ça pine demain? Attendez un peu, là. On va vérifier pourquoi ça fait aussi. OK. OK. OK. C'est comme. C'est, non, c'est pas mieux, hein? C'est pas mieux, c'est pas pire. C'est pas pire, c'est pas mieux. 1, 2, 3, nous irons au bois. 4, 5, 6, cueillir des cerises. 7, 8, 9, dans un panier. Ah, c'est pas ça. OK, c'est merveilleux. Merveilleux. Le son est revenu. Ma tête, pas encore. Ça va faire une excellente émission. Hey, là, j'ai. Hey! C'est pas bien de dire hey. Alors, bonsoir. Avant de placer notre générique, j'ai quatre petites réflexions ou phrases que j'ai écrites il y a quelques temps à peine. L'œuvre observe son créateur et espère l'étonner. Une autre. Les formes se contrôlent à partir de l'anarchie. Une troisième. La création de l'artiste cache son aventure, son histoire, à travers son œuvre. La dernière, on veut bien te connaître, mais sans entracte. Aujourd'hui, le lundi, eh bien oui, le lundi 21 août 2023, monte le volume et hume la différence, car c'est parti, mon kiki! Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bain-fumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! Internet, j'achète un pantalon sans l'essayer. Internet, je travaille en m'habillant juste une moitié. Internet, on m'informe qu'il fait 14 degrés. Internet, j'y pense à tout temps, j'y pense à tout temps. J'suis passé du temps, j'suis passé du temps. C'est ça. Pourquoi je veux Internet. Comment joue ton haut ballon balai Internet. Combien y a-t-il d'ingrédients dans un poulet Internet. Est-ce que c'est une ampoule ou une plaie Internet. J'y retourne souvent, j'y retourne souvent. J'y retourne souvent, j'y retourne souvent. C'est mon endroit préféré sur la terre. J'y fais des rencontres, j'y fais des affaires. J'avais Internet. Internet. Internet. Est-ce que les outardes mangent local? L'achat de ce bonbon est illégal. Internet. Est-ce une démangeaison normale? Internet. J'y connais des gens, j'y connais des gens. Ah, j'y connais des gens, j'y connais des gens. C'est mon endroit préféré sur la terre. clavier. Vitesse. Partage. Internet. Internet. Luminosité. Internet. Internet. Connexion. J'ai une vague impression Internet. De commencer à avoir une opinion Internet. Parfois je regarde des chatons Internet. Parfois ça me prend, parfois ça me prend. Parfois ça me prend, parfois ça me prend. C'est mon endroit préféré sur la terre. Une seule option peut me OK, j'étais sur Internet. Non, c'est pas vrai. Non, non, je reste calme. C'est rare pour un début d'émission. Sinon, moi, je suis comme un chien qui tourne après sa queue. Bon, un chiot, parce qu'un un chien, à un moment donné, il devient vieux, puis il jappe, mais il se retient. Ça dépend quel genre, oui, quelle marque. Voyons, quelle race. Moi, je suis d'une race indescriptible. Méconnu et non connu. Parce que si t'es pas connu, ben t'es pas on te cherche pas. Jusqu'au moment où on a mis le doigt sur toi et on te dit on va aller très loin pour te connaître. C'est une bonne idée, ça. On commence en force, pas vraiment. Madame la Tulipe. Nouveau personnage de mon émission, là, Madame la Tulipe, elle n'a jamais passé là, à Errance canadienne. Elle se dit, oh mon Dieu, oui, elle se maîtrise plus. Elle ne se maîtrise même plus, mais elle est capable de faire son pâté chinois et sa tarte au sucre sans regarder la recette. Elle est tellement habituée. Elle m'a déjà dit à l'oreille, à un moment donné, avant de lui demander si elle voulait passer à Errance canadienne, elle a dit, suis-je prête à devenir une vedette? Madame la Tulipe, vous êtes la fleur la plus sensuelle et exceptionnelle que le Québec n'a pas portée. Elle a venu les yeux en forme de cœur, la bouche aussi. Le reste, j'ai pas vérifié. J'ai pas le droit. Non, mais elle a un mari. Ben oui, Monsieur la Tulipe. Là, tu voudrais savoir son véritable, tu sais, son nom de jeune fille. Parce qu'anciennement, là, les femmes... Quand ils se mariaient, ils adoptaient par défaut le nom du mari. Et aujourd'hui, ça a changé. Oh, quoi qu'il y en a, il y en a qui sont encore à l'ancienne. Oui, c'est comme les saucisses. Il y a des saucisses à l'ancienne. Il y a la poutine à l'ancienne. La poutine à l'ancienne, c'est quoi? C'est pas compliqué, là. C'est fromage puis sauce brune. Sauce brune, là, traditionnelle. La salade au chaud. Il y a la crémeuse ou la traditionnelle. La bonne musique traditionnelle aussi. Swing la baquette dans le fond de la poêle de bois. C'est pas juste ça, là. C'est les beaux contes, les belles chansons que l'on aime raconter et fredonner, les complaintes. Et moi, j'en connais une, vous la savez. Depuis le temps que je la chante, c'était... Ouais, celle-là. Oh, mois d'octobre. Ouais, c'est ça. Mais là, on n'est pas au mois d'octobre. Mais ça, je pourrais la faire tout le temps. Je l'aime. Puis elle est tellement criante, vérité. Criant de vérité, parce que ça raconte la crise d'octobre. Je sais qu'on n'est pas en octobre non plus. Et puis sinon, vous, comment ça s'est passé cette semaine? Troublant, dérangeant. Quand c'est dérangeant, normalement, c'est troublant. Oui, je sais. Mais on fait des fois des synonymes pour montrer qu'on est épais. C'est-à-dire qu'on est comme un dictionnaire. Ah, on connaît plus que deux mots. Oui, à part « passe-moi le beurre », ben tu peux aller plus loin. Quoique « passe-moi le beurre », c'est pas un mot, c'est une phrase. Une phrase que nos grands-pères ou nos pères disaient. Dans les années 60, là, ça parlait pas un père. Là. Ça mangeait, ça avait la tête dans l'assiette. Ça s'ouvrait pas grand. Oh, non, ça, même après 2-3 bières, là, ça prenait le 40 onces de gin, puis 2-3 petites claques sababoune, puis là, il s'ouvrait. Puis souvent, tu voulais qu'il se la ferme. Ah oui. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé dans mon cas? Ah, plein de choses. Hey, on dirait qu'avec les années, je fais de l'introspection. Oui. J'essaie de trouver mon noyau. Et je me demande souvent si je suis dans la bonne direction. Tu sais, est-ce que je rentre trop profondément en moi? Hein? Est-ce que je rentre trop profondément en moi? C'est une question qu'il faut se poser quand on fait de l'introspection. Mais en même temps, l'introspection, pour beaucoup, c'est du radotage. Tu radotes. Ah ouais. Puis t'es aussi passéiste. Dans le temps, c'était mieux. Comment ça, dans le temps, c'était mieux? Aujourd'hui, hey! Aujourd'hui, t'es peut-être dépassé. Puis j'ai rien contre les gens qui sont dépassés ou les gens qui se refusent de mettre les deux pieds dans la comment dire donc? Oui, exactement, Madame la Tulipe, vous suivez mon émission. Oh, on le sent, là. Oh, elle est à l'écoute, là. C'est vrai. On a le droit de refuser tout ce qui arrive actuellement dans la technologie. T'es pas obligé de rentrer dans la technologie. Ah non. Tu sais, comme elle me disait l'autre jour, le pâté chinois. Pas compliqué. Claude Meunier en a fait un gag. Steak, blé, dingue, patate, on va pas plus loin. C'est ça. Bon, là, il y en a qui vont dire, ben oui, mais là, il faut aller un peu plus haut, un peu plus loin. Ben oui, il faut changer la recette. Pourquoi? Non, tu peux l'améliorer. Mais là, quand tu entends ça améliorer, puis que tu vois ce que ça donne, ouais. Je sais pas si c'est améliorer ou détruire, là. Parce que là, des choux-fleurs avec un pâté chinois, là. Parce qu'à l'origine du pâté chinois, tu connais l'origine? Bon. Pourquoi détruire ça? Puis, hey, quand c'est pas bon, là, qu'est-ce qu'on fait? On rajoute du ketchup pour tuer le goût que tu n'as pas pu atteindre parce que tu croyais... Tu peux te tromper aussi, là. Tu sais, un matin, t'es pas trop réveillé, tu dois faire tes repas pour le soir, les enfants vont arriver, fait que, tu sais, il faut que tu sois un peu préparé parce que tu arrives à la dernière minute, à 4h30, les enfants arrivent, là, les devoirs, les leçons, ben ouais, donc, là, il faut que la nourriture soit prête, et puis t'as mis trop de poivre, puis les enfants aiment pas ça, le poivre, ben, ils aiment bien le ketchup, puis là, t'en mets du ketchup, puis là, ils vont te dire, comment ça, maman? Normalement, tu me dis... Si c'est bon, mais pas de ketchup, pourquoi la viande n'était pas fraîche? T'sais, aujourd'hui, les enfants, c'est pas comme les enfants il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ils sont débrouillards, là. Ils ont un discours. Puis c'est merveilleux. Ils ont des choses à dire, comme disait Harmonium. Non, pas l'instrument de musique, le groupe Harmonium, groupe québécois. Le leader du groupe, Serge Fiori. Il n'y a pas de fleuriture avec Fiori, là. C'est l'être, Dieu le Père de la chanson, de la musique progressive québécoise. Bon, là, il y en a qui vont me dire oui, il y en a, j'en connais d'autres. Oui, je sais, moi aussi j'en connais. Je connais aussi des, on va le dire. Oui. Comment dire, ça, c'est on essaye de trouver le chemin le plus facile et le plus compréhensible. Et aussi le plus précis, concis, direct. Bon. Et puis, de la musique presque... Oui, t'as raison, Raymond. T'as raison. Expérimental. Ben, l'infonie avec Raoul Duguay, y a-tu défriché des affaires, lui? Puis il y en a plein d'autres. Puis l'intérêt de tout ça, c'est de s'intéresser un peu à tout. Hein? Aux nouilles chinoises, aux pâtés chinois, à la poutine italienne. Ça, c'est avec la sauce à spaghetti. Puis là, dépendant de la sauce à spaghetti, ça peut détruire la poutine, comme la frite. Prends pas n'importe quelle frite, là. Tu prends la frite. Tu prends pas n'importe quel fromage, tu prends le fromage. Puis tu prends pas n'importe quelle sauce à spaghetti, tu prends Attends, vous la connaissez, la sauce à spaghetti? Ah, mon doux. Vous, là, contrairement à la moyenne, là, parce que vous écoutez CKRL, vous êtes allumé, hein? Vous êtes curieux, curieuse. Vous êtes à la recherche de ce qui n'est pas commercial. Les choses pas comme... Ben, c'est pas parce que c'est pas commercial que c'est pas bon. Il faut être vigilant, attentif et curieux. Le moment s'invite à nous pour un élan rénaldien. Une consonance de l'esprit nous amènera, nous dirigera vers des sillons créatifs. Allons séchoir. Là, c'est pas celui qui nous aide à nous sécher les cheveux. Là. Allons séchoir. Ah, j'ai encore éternué, c'est pas vrai. Genre, c'est l'automne, hein, donc, presque le début d'automne. J'ai toujours des allergies, madame. Allons séchoir. Au pire, je vous entendrez pas. Là. Ah, non. On va fermer le son. Alors, si vous n'entendez plus rien, je ne suis pas tombé dans les pommes ni dans les poires, quoique les pommes-poires, j'aime bien ça. Allons s'échoir vers les couloirs de l'improvisation avec ce fil narratif. Oui, où est-ce qu'il est, le fil narratif, Mme Tremblay? Ah, ça, c'est... Ah, oui, une recette. Ah, ça, c'est... Ah, c'est rigolo, ça. On fera ça une autre fois. Automne. Ça, c'est un mot qui a été donné par Dorothée Ortega, mon ami. Alors, moi, ça fait à nous, pour une consonance de l'esprit, nous amènerons de notre région de sécurité à nos jours. Ouais. Ouais, mais là, c'est un mot, ça, là. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? La phrase, l'amorce, le récit. Ouais, ça n'a rien à voir. Est-ce qu'on s'en va vers le drink ou attendre un peu? Qu'est-ce que ça donne, ça? C'est ça qu'on... Ah, OK, j'ai toutes des ouvertures, mais pas de... Ah, oui. Ah, mon... C'est pas bon, ça. Non, c'est pas bon. C'est pas... pas tout à fait. Jamais, parce que la première feuille est là, mais la phrase n'est pas là. Bon. OK. Alors, c'est pas grave. Moi, dans ma deuxième vie, j'étais barman. Pas Norman, barman. Moi, je faisais des drinks et je vais vous faire la recette du punch planteur. Le punch planteur, là, c'est pas parce que t'en as trop bu, tu plantes par en avant, là, le nez te pique. Ah ouais, non, ça n'a rien à voir. Alors, donc, pour faire le... Il fait noir ici, en plus. Non, c'est pas ici, c'est ici. Il fait noir ici. Ah, il fait noir quand dans un trou de pète d'ours. Un trou de pète d'ours. Un ours noir, pas un ours blanc. Quoique j'ai pas de... Je suis pas raciste. Au contraire. J'aime toutes les... Oui, je sais, j'ai le hockey en même temps. Oui. Éternuement, puis... OK. Ah, oh, je vais tenir, là. À l'âge que j'ai, là, j'ai quoi? J'ai 32, Mme Tremblay. Ah, mon... Je dois 32 ans, là. Je préfère l'inverse, 23. Hey, 23 ans. Qu'est-ce que vous faisiez à 23 ans, vous? Moi, je faisais dur. Ah, puis je finis pas de faire dur, là. Je veux, en fait, j'ai une ligne médiane, c'est de, pendant toute ma vie, faire dur. Puis, je m'enligne pour y arriver. Facilement, très facilement. Tellement que, on dirait que je suis né dans ce genre de choses-là. Qu'est-ce que c'est ce genre de choses-là? Ben, c'est ce que je viens de dire avant. Qu'est-ce que j'ai dit avant? Je le suis-tu, moi? Vous n'êtes pas capable de suivre, vous, là? Qu'est-ce qui se passe ce matin? Oui, on est le soir, là, mais on s'en va vers le matin, là. Hey, lundi matin. T'as connais-tu, là, lundi matin, le roi, sa femme et son petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince, mais comme j'étais pas là, le petit... Là, hey, quand vous allez travailler, là, demain, là, vous allez chanter ça. Bien, tout à l'heure, c'est vrai, on est déjà demain. Nous sommes déjà demain, là. Le petit prince a dit, puisque c'est comme ça, nous reviendrons mardi matin. Là, l'émission finit à 2h, mais là, on va prolonger jusqu'à 3h30. Mardi matin, le roi, sa femme et son petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Mais comme j'étais pas là, le petit prince a dit, qu'est-ce qu'il a dit, le petit prince? Hey! T'es où, Saint-Exupéry? Le petit prince a dit de l'oudidon, bam, bam. Mercredi matin, le roi, sa femme et son petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Mais comme j'étais pas là, le petit prince a dit. Je suis le petit prince. Attention, je répète. Je suis le petit prince. Je cherche. Antoine de Saint-Exupéry. Perdu en avion. Quelque part. Sur la planète. Antoine. Quand reviendras-tu, dis, pourquoi ne sais-tu que moi, le petit prince, je m'ennuie en battance, dis, quand reviendras-tu, ton petit prince est foutu. Ta-la-la-la. C'est pas moi qui a écrit le petit prince, c'est moi qui l'a lu. Ta-da-da. Moi, je l'ai lu un mardi, tu t'en souviens. Moi non plus. Allez, les pingouins. Hein, t'as peur d'en enlever, l'écho, hein? Mais là, on dirait que je suis pris dans un tourbillon. Puis c'est pas normal. Hey, quand tu te sens pas normal, là, tu penses que tout le monde le sait que t'es pas normal. Puis t'as raison. Une spirale, là. comme actuellement, tu vas dire c'est sonore, puis c'est énervant. Les années 70, on faisait jouer ça, des chansons. Oui, oui, on t'est. Ça s'appelle Rock Psyché. On l'a fait jouer il n'y a pas longtemps. Des oui, oui, on dirait peut-être, mais j'ai pas de budget. Oh, jamais vu de l'argent, là. Moins t'as d'argent, plus t'as d'imagination. Plus t'as d'argent, moins t'as. Ça vient d'être lancé. Ça fait quel an, le petit prince? Qu'est-ce qui se passe avec lui? On est rendu à jeudi, là? Puis ça arrive aussi vendredi. Samedi. Dimanche. Lundi. Etc. Etc. Etc. Etc. Etc. Etc. Etc. Etc. Etc. Etc. Petit prince cherche encore. Son Saint-Exupéry. Antoine de son prénom. Puis Antoine, cherche son nom. Saint-Exupéry. Il y a des matins où il veut revoir sa rose. Se faire mordre par le serpent. Se faire dessiner des moutons. Puis de chanter avec Renaud. Ça peut être un rêve, un cauchemar, dépendant de l'observation et de la... Même pas l'observation, de la vision que tu as de la chose. Pour ma part, c'est un conte parabolique que j'ai voulu vous présenter sans le savoir. Et vous vous demandez pourquoi je dis sans le savoir, ben, comme c'est de l'improvisation, ça me surprend moi aussi. C'est de ça que j'ai l'air le matin, c'est de ça que j'ai l'air le matin. Quand revient la lumière, il n'y a rien à faire, c'est de ça que j'ai l'air le matin. Le soir, tant que peut durer la nuit, je me couvre d'accessoires, je me maquille, je m'enduis, je danse avec mes retouches, je bois avec ma chevelure, je colle un sourire sur ma bouche, et j'oublie pendant que ça dure. C'est le saccage là le matin. Sur le même plancher que la veille, je viens chanter sans complément dans le plus simple de mes appareils. Que j'ai déposé mon équipement, que j'ai fini de me battre en vain, que je me rends sans condiment, que c'est de ça que j'ai là. We'll be right back. on y va. OK? On peut danser, là, de gauche à droite, de droite à gauche, mais je vous conseille. Hein, c'est fini, là. Là, je voulais conseiller le monde de comment danser. Mon espèce de trois accords et demi pas réussi, là. Mon oncle est pas content. Ah, mon oncle est fâché. Mon oncle, regarde, mon oncle est fâché. Peux-tu recommencer? Ouais, là, si on fait ça de même, de quoi ça va avoir l'air? De pas grand-chose. Ah non, ça sort pas. Ça sort pas, c'est... Attendez un peu, là. Ouais. Ouais, c'est bref un peu. Le matin. J'ai eu le matin, moi. Le matin, j'essaie de dormir. La nuit, je dors pas. Te l'avais dit la semaine dernière, insomniac. Au théâtre, ouvrons-nous. Vous trouves-toi toi-même, espèce de bouchon? Au théâtre, ouvre-nous tes envolées narratives, comme si tu dériverais vers des sentiers illuminés de tes planches insensées. Et moi, ce soir, cette nuit, je m'autorise un instant magique où se dédoublera la donna magie. Comment? C'est chamanique. Je m'autorise un instant magique où se dédoublera le dramaturge et l'interprète de ma propre création théâtrale. Bref, construisons une mise en abîme. Bon, pour les gens qui ne savent pas c'est quoi une mise en abîme, c'est quand tu vas au cinéma, là, puis dans le film, on parle du film. OK? Dans un film, on parle de cinéma. C'est comme en littérature, quand tu lis un livre, dans ce livre-là, on parle de littérature. C'est rentrer dans l'œuvre que l'on... Comprends-tu? Mise en abîme, moins, un peu, beaucoup, passionnément, la folie, moyen. Moyen bien cuit ou moyen saignant? Bon. Mise en abîme. Il y a beaucoup de films là, qui mais je sais pas si tu les connais. Peut-être pas. Woody Allen en a fait un excellent. Un excellent. Non, je parle du cinéaste, de l'homme, de l'intellectuel, et non pas de sa vie privée. Et il a fait le rose, le poupée de cire, poupée de son. Non, enfin, non, c'est une mauvaise blague. Attends un peu, le rose poupre du Caire. Connais-tu ça, toi? Rose poupre. OK, ça, c'est une couleur. Rose poupre. Poupre du Caire. Oui. Bon. C'est un film de 1800. T'as bien l'air de 1800, toi. T'as bien vieilli ce matin. Dors pas, ça te fait pas de bien, toi. Moins tu dors, plus t'es toi-même. Hein? OK, c'est 1985. Oui. Bon. Bon, la distribution, vous la connaissez, mais c'est pas ça le plus important. Il y a Mia Farrow, là, Jeff Daniels. Pas l'alcool, là, c'est Jeff Daniels, pas Jack Daniels. Stephanie Farrow. Oui, la fille de Madame Farrow. Woody Allen, là-dedans, en tout cas. Et puis, Danny, hello. Puis lui, il est bien content quand tu dis « Hello! » Il dit « Danny! » OK. Et voilà, toute une ribambelle de comédiens. Et qu'est-ce que ça raconte? C'est un film américain de Woody Allen, 1985. Le titre en français, bon, on l'a dit. Oh, le titre en français, c'est une mauvaise traduction. Pas vrai. C'est ça quand tu lis, hein? Le rose poupre. Bon, non, le rose poupre. Et, je me parle moi-même, oui. C'est dans les années 1920 et 1930 aux États-Unis, pendant la Grande Dépression. Ah, bon, tout le monde était dépressif. Ça pleurait, ça criait, puis... plus ça criait, plus ça pleurait, hein? Ah oui, puis ça pleurait, là, avec des larmes, des chaudes larmes. C'était tellement chaud, ces larmes-là, là, que ça faisait fondre. Et ça, j'aimerais ça que ça soit faux, mais c'est vrai. On n'a jamais parlé ça dans les médias, là. Ça faisait fondre les volcans. parce que c'était plus fort que les éruptions, que les larves. Les larmes étaient plus fortes que les larves. Puis là, c'est pas les petites bébites, c'est quand tu meurs, là, qui te... Oui, t'es... exemple, je suis assassiné. Bon, ils ont trouvé que mon émission était assez ordinaire. Ils ont vu, ils sont mis trois contre moi. Puis, ils m'ont assassiné. Bon, ça peut arriver. Ils m'ont jeté. Ça, normalement, là, c'est dans un... Il faut que ce soit une prairie, là. Beaucoup d'herbes. Où les vaches ont brouté. Moi, j'aimerais ça que les vaches broutent là-dessus. Puis, en plus, tu sais, il y a deux estomacs dans une vache. Puis, tu sais, qui ruminent. Puis, ils mangent dans le... Moi, t'as raconté l'histoire d'une vache, pas compliqué. En tout cas, la morphologie là, au niveau de l'estomac, c'est qu'ils ont un gros sac puis un petit sac. Et puis, un des deux sacs-là, un de ces deux sacs-là accumule l'herbe qu'ils mangent pendant je sais pas combien de temps. Puis là, quand ils sont écrasés, là, ils remangent. Mais là, c'est ils remontent ça, ils remangent, puis ils envoient ça dans l'autre estomac. Ma belle-sœur est de même, elle. Ah oui. Elle est gloutonne. Elle bouffe tout ça, puis là, elle est là devant la TV, 20 minutes après, puis il y a des petits morceaux, puis elle remange. Ça s'en va dans un autre estomac. Elle ne me l'a pas dit, mais je suis sûr qu'elle a été accouplée avec un genre d'affaires-là. Des fois, ils veulent rester discrètes pour ne pas dévoiler toute leur anatomie. Sinon, ça fait puire, oui. Ça fait un puits. Oui, un puits de mes aventures. Et elles ont peur que les hommes les enferment dans ce puits-là. Puis là, ça fait des bonnes émissions, là, dans les affaires d'enquête, là. Ah, mon Dieu, moi, j'aimerais savoir ça. Mais pas le faire, mais le voir. Mais non, c'est pas beau de le souhaiter ça, mais non, je souhaite pas ça à personne. Ah, non, je souhaite jamais à personne non plus d'écouter Rance Renadienne sans savoir de quoi... Et oui, de quoi cette émission-là est engagée? Est-elle engagée? Bon, on s'est engagé de donner de la bonne musique, de faire des phrases qui ont pas de sens, parce que moins ça a du sens, plus c'est dans la houle de l'émission. Et quand ça houle, ça déroule. Et quand ça déroule, ça fait rire. Et quand ça fait rire, ben non, pas rire, mais tu sais, j'aime bien, moi, les. Hein? Ben. Pas les. Parce que quand tu vas voir des spectacles, on va en dire un, là, André, on l'a sauvé de l'humour, lui, grâce à des émissions là, avec le Grand Blond. Là. André Sauvé, La Touffe, appelé La Touffe. Entre nous, on le connaît, on dit « Hey, La Touffe, il se met à rire! » Et puis, il s'en va. T'sais, il ne veut pas nous voir. Il dit, voyons donc, il me connaît pas. Il me juge sur mon apparence. C'est vrai, on n'a jamais jugé. Moi, je n'ai jamais jugé Paul Sauvé. Ouais, Paul Sauvé. Paul, c'est-tu sauvé? Non, c'est André qui s'est sauvé. Ah, mon Dieu. Avec qui? Avec Paul? Non, Paul, il est avec Piché. Ah, mon Dieu. Combien de Piché? Ah, au moins deux, trois Piché. Qu'est-ce qu'il y avait dans le piché? C'est pas un piché, c'est un piché. Qu'est-ce qu'il y avait dans le piché? Pas le piché, t'as le piché? Comment est-ce que le piché? Il y a des histoires de même qui partent en vrai et qui se terminent jamais. Sur la chaise longue avec mon matin. juste avant que tu sortes derrière chez toi. Je pose mon margarita. Al dente sur mon pasillo. Crescendo sous la pergola. Hey, je me promène autour de ma piscine en terre. Et je fais semblant d'avoir quelque chose à faire. Je me promène autour de ma piscine en terre. Et je fais semblant d'avoir quelque chose à faire. Mais non, je dors pas, là. Tu viens de me dire Rénal, donc je me suis réveillé, tu sais. Tu mets pas des bouchons? Oui, j'en mets, mais je t'entends tout le temps. Oh mon Dieu, c'est ça l'amour? Ben oui, ma belle Georgette, c'est ça l'amour. Rénal! Oui? Hey, tu m'as parlé hier que t'allais parler de mise en abîme, hein, ton émission du lundi, là. Ben oui, oui. Hey, Rénal! Arrête de m'appeler Rénal, ça m'excite. Oh, arrête, arrête, arrête! Rénal! Oui! Hey, la mise en abîme, là, c'est-tu toi qui l'as inventé, ce mot-là? C'est qui a fait ça pour la première fois? C'est qui a inventé la mise en abîme, mon Rénal? Ben voyons donc, toi. Si je t'ai aimé au début de notre vie, amoureuse, de notre vie, de relation entre toi et moi, de notre fidélité intellectuelle, je croyais que tu savais qui avait placé la mise en abîme pour la première fois. Vite comme ça, là, je m'en souviens plus, là. Ah! Tu perds la mémoire? J'espère que non, là, tu t'appelles... Ouais, je m'appelle comment? Rénal Gagné. Oh, j'aime ça quand tu dis ça comme ça. T'es tellement sensuel. Tu trouves encore, hein? Ah oui, je trouve tout le temps. Oh. Hey! Hey, excuse-moi. Oh, mais j'étais comme une chatonne. Oui, OK. Mais là, qu'est-ce que tu veux savoir? Mais qui a inventé la mise en abîme? C'est toi. Mais non, c'est pas moi. C'est Andrégide. C'est une manifestation? Non. C'est pour que tu comprennes que c'est pas androgène ou je sais pas quelle d'autre chose, mais androgène, c'est andrégide. Arrête de me mêler. Je me mêle assez facilement. Je suis pas fâché, là. Non, arrête de pleurer. Elle pleure la tête dans l'oreiller. Ah, mon Dieu. Elle mord aussi l'oreiller. Le lundi puis le mercredi. Bye. d'abord je veux, avec ma langue natale, deviner tes pensées. Et toi, déjà tu tangues aux flux et reflux des marées. Volts vient de gicler dans mon pylône. le Rhin, alors se révolte. D'un coup d'épilepsie synchrone. Ben oui, on joue au bingo, puis quand elle perd, elle comme ça, et comme ça. Oui, ben, mon amour, bon, juste pour te... Fais-toi-en pas. André Gide, là, c'est un écrivain. Il ne connaît pas Gainsbourg. Excuse-moi, mais je ne connais pas Gainsbourg. C'est vrai que pour travailler chez vous, là, pas besoin d'être intelligent. Hein? Pas besoin d'avoir de... Non. Plus t'es minimaliste, plus tu te fais avoir par l'employeur. Plus t'es te fais avoir par l'employeur, plus moins tu vas gagner cher. Moins tu vas gagner cher, plus il va t'aimer. Plus il va te trouver génial parce que tu vas pas le remettre en question parce qu'il fait partie de... Non. Mon oncle est fâché, là. Charlotte Gainsbourg, voyons donc, toi. Tu le connais pas. Ben là, écoute bien, c'est moi ton boss, là, moi te mettre dehors. Ben mets-moi dehors, ça me dérange pas. Je m'en vais m'en aller avec Charlotte. Charlotte qui? Ben Gainsbourg! C'est une vedette pop. Tout le monde est trop top. Mais il ne décide de rien. Ça lui pèse un brin. Et il change d'univers soudain. C'est un crocodile du Ah, maintenant, la mode, la mode, la mode avec Carole Bijelman. Alors, laissons-lui la place, elle et ses stagiaires. Bonjour, ça va? Très bien, et vous? Ben moi, c'est Renard, enchanté. Moi, c'est les assistants de ben oui. Carole à la rue. OK, prenez place. Merci, c'est gentil. Je passe aux toilettes, c'est OK? C'est juste au bout. Sinon, ça va? Très bien, et vous? Oui, excellent, excellent, on se tutoie. OK, vas-y. Okay. Je vais mettre les chaises. Elle ne devrait pas tarder, je pense. Oh, il n'y a pas de problème. Vous êtes stagiaire? On est les assistantes. OK. Donc, c'est quoi la différence entre assistante et stagiaire? Je suis une ancienne stagiaire. Ah, OK, OK. Et Maria, qui était là, elle est stagiaire en ce moment. OK, et puis elle va prendre ton poste après? Ou vous allez avoir le même... On verra. Je sais pas, okay, non, on verra, c'est pas. C'est ça. Qu'est-ce qui t'a amené à... dans l'univers de la mode? Moi, je fais une école de mode à côté. Je suis étudiante encore. Du coup, c'est pour ça que j'avais un stage à faire. Et après, comme on s'est bien entendu, on a continué. Donc, dès que j'ai le temps, je viens... Je suis en Belgique, mais dès que j'ai le temps, je viens sur Paris. Donc, Tu es belge? Non, je suis pas belge, je fais mes études là-bas. OK. Pourquoi en Belgique? Pour la mode, c'est très bien, la Belgique. Au niveau des écoles, c'est bien réputé. Enfin, ils sont très, très... C'est des très bonnes écoles, en fait. Et c'est mieux qu'à Paris? Ça dépend. C'est moins cher? C'est gratuit. C'est gratuit, en fait. Et en France... Ouais, c'est... il y a eu des réformes, tout ça, qui fait que maintenant c'est plus très bien, en tout cas dans le public. Ok. Donc, non. C'était mieux de partir. Mais éventuellement, qu'est-ce que tu veux faire? Moi, ça serait du stylisme. Ok. Ah, je pense que ça m'appelle. Moi, c'est parfait. Bonjour. Ah. Ça va? Ouais. Vive le vélo. Mais quand j'ai vu Fifi il y a 2 ans, elle est arrivée en vélo aussi. Ben elle reste en haut du Moulin Rouge. Ah ouais? Ben oui. Donc elle est venue ici puis avec son grand vélo des années 50. Ouais, ben oui, ça fait du bien, oui. OK. Ça va? Ouais, on se fait, ouais. Ouais, ouais, OK, ouais, ben oui, ça, ben oui, ben oui. Ça va, et toi? Oui, là. Bon, hey, tu nous as fait déplacer, là. Hein? T'as bonnes raisons, j'espère. Hein? Oui. On a pas ça à faire, nous. Hein? Ben, d'accord. Alors, on va essayer de faire ça sérieusement, comme d'habitude. Comme d'habitude. Ça va? Très bien. Vous êtes venu en trottinette, vous? Non, moi, je suis venue en métro. Ah, ouais. Et moi, en trottinette. Ah! La course. Oui, mais elle est où, ta trottinette? Je l'ai rangé. Ah, OK. C'est quelque chose que tu peux prendre. Oui, oui, mais... Tu fais sur l'application et il y a des parkings un peu partout. Il y en a un à côté de Bruant. OK. Oui, et puis ben c'est électrique, hein? Oui, oui, voilà, c'est fou. Ça. Alors sinon, comment ça va, Carole? Bien, et toi? Très bien. Qu'est-ce que tu fais à Paris, du coup? Ben, je fais des rencontres radiophoniques. C'est merveilleux. Non, mais c'est... Oui, mais t'as fait une sélection un peu... T'as procédé comment pour rencontrer... Enfin, je veux dire... J'ai frappé au port. Oui, mais tu veux faire quoi? C'est des émissions. Oui, mais qui sont des émissions plutôt... Donc sur des artistes, sur des sur quoi des créateurs. Sur, des créateurs ou ex-créateurs. Moi, je suis plus créatrice. Hein. D'accord. Mais tu l'étais. Oui. Oui. Mais c'est quelque chose aussi, la mode, c'est de la création. Ah bah oui, oui, oui. C'est-à-dire que j'étais styliste avant, tu sais. Ouais. Donc maintenant, voilà, je fais du vintage. Voilà, plutôt haut de gamme. Et oui, oui, ça reste de la création parce que de toute façon, il faut mettre en place, il faut, tu vois, il faut... Il y a le merchandising de la boutique, du site, des réseaux sociaux, il y a un peu de tout. Pourquoi? Mais ça, c'est plus récent, ça, les réseaux sociaux, parce qu'avant, c'était pas le cas. C'est pas chez nous, là. Ah. Il faut qu'on bouge. Il faut qu'on se déplace. Parce que là, ils vont râler les gens. Ah. Et un truc, je m'énerve trop. Oui, oui, oui, oui. OK. Alors, ben, okay. On se met en face. Parce okay. que alors, on transfère ça ici. Si tu veux, ça te va. Oui. Ben, Maria, tu vas te mettre dans le petit coin. Voilà, okay. Le coin. Ah. Et t'écoutes, OK? Non, mais madame, c'est pas contre vous. C'est parce qu'il y a des vraiment, ça va pas te faire. Non, non, mais je vous inquiétez pas, j'étais pas... Les Parisiens, ici, sont très, très exigeants. D'accord. Donc, vous voulez dire dans ce quartier-là? Dans ce quartier, exactement. Je vous assure, combien de fois on nous a insultés et nous parlait mal pour... Bon, alors, on voudrait pas que vous vous fassiez embêter, hein, franchement. Et alors, en attendant, on va boire un truc. Ouais. Moi, je vais prendre une orange pressée, s'il te plaît. D'accord. C'est ce que je viens de prendre. Et toi? Moi, je vais prendre un cappuccino, s'il vous plaît. Deux oranges et un cappuccino. Moi, je vais prendre un café au lait, plutôt. Ah, café au lait, cappuccino, orange pressée. Voilà. Merci. Et toi, ça va? Oh oui, moi, c'est un chocolat chaud. au départ, qu'est-ce qui t'a amené à jeter dans la création? Qu'est-ce que tu as voulu faire au début dans ta jeunesse pour... Ah, au début, mon histoire, elle est simple, en fait. Moi, je viens d'un milieu assez modeste. Et en fait, mon père, il était tailleur. Ah, okay. Mon père, il était tailleur pour femmes, tu vois. Et du coup, à la maison, il y avait la machine, quoi, si tu veux. Donc, ben, je le voyais, j'étais grande comme ça et il y allait, quoi. Il montait des manteaux, des pantalons, des jupes. C'était assez... c'était émouvant parce que moi, j'étais un enfant. Et tu sais, les filles avec leur père, elles sont bizarres. Hein, alors, je le regardais comme si c'était Dieu, quoi, tu vois. Et donc... Le contexte de Deep. Ouais, oui, aussi. Et donc, voilà, c'est comme ça que je suis. J'ai pas fait du style tout de suite. J'ai fait ma vie, comme on fait les études, on fait un peu des trucs, on fait des essais, on essaye ceci, cela. Voilà. Et puis moi, je faisais plutôt de l'expertise comptable, tu vois. Rien à voir. Rien à voir. Et puis, je me suis fait virer de chez un agent de change. À l'époque, c'était les agents de change. Ils m'ont viré parce que j'étais trop excentrique. La bimette était trop... Oui, trop... J'étais décalée par rapport à une tenue vestimentaire, tu vois. Tu étais à l'avant-garde. Ouais, je sais pas si j'étais avant-garde, en tout cas j'étais moi-même. Et donc, voilà. Oh, God. effectivement, ça a un peu chamboulé à ce moment-là mes dispositions, mes prédispositions aussi, en fait. Ouais. Et du coup, je me suis retrouvée un peu comme à la rue, tu vois, enfin, je veux dire entre guillemets, parce que c'était pas vraiment à la rue. On repart à zéro. Et on réfléchit autrement parce que tout à coup on se rend compte que notre attitude ne plaisait pas, que nous non plus nous n'étions pas bien. Enfin, je parle, on n'était que un, mais. J'étais une équipe, tu vois. Et donc voilà, et donc, j'ai appelé mon père et tout. Je lui ai dit, mais là, qu'est-ce que je fais? Il faut que je gagne des sous. Donc en fait, c'était un peu comment faire pour gagner des sous, tu vois, et pas trop compliqué et pas dans un truc, dans un chemin un peu, voilà. Et comme mon père savait que j'étais assez douée en couture et tout ça, et puis aussi en feeling, en tout ça, enfin bref, c'est un truc de, tu vois, de famille. Et il m'a dit, pour rigoler, hein, il m'a dit, t'as qu'à aller au puce et puis te trouver un stand et puis tu verras ce qui se passe. Alors c'est ce que j'ai fait, j'ai commencé à chiner, des petites pièces, des machins, enfin voilà. J'ai acheté un parasol, je suis allée au puce. Tout le monde a été extrêmement gentil avec moi. Moi, j'étais complètement novice et tu vois. Alors, t'as appris, c'est une belle école. Ouais, c'était un peu la rue, quoi, tu vois. Et moi, je chinais dans des endroits complètement atypiques aussi, hein. Faut dire que des fois, c'était pas safe, quoi, comme on dit, tu vois. Et à un moment donné, je me suis installée, enfin voilà, j'ai acheté mon parasol, 100 balles à l'époque. Tout le monde m'a aidée, surtout les garçons. Tu vois. Et voilà, et je me suis installée dans la rue, voilà. Et j'ai déballé, et mon premier week-end au marché aux puces à Clignancourt, j'ai fait un mois de salaire, en fait. Ça a bien fonctionné. Ouais. J'ai fait un mois de salaire et mon père m'a dit, tu vois, tu as quelque chose, donc essaye de faire avec ça que tu sais que tu peux le faire, en fait. Voilà. Et j'ai fait les puces pendant, je crois que je suis restée presque 3 ans à Puce de Clignancourt, mais l'hiver, c'était dur. Ah oui, ben oui. Parce qu'à l'époque, il faisait genre moins 5 degrés l'hiver dehors. Et t'es dehors toute la journée. Hein. T'es dehors du matin, 6 heures du matin, jusqu'au soir, la nuit, quoi, que tombe la nuit. Donc, et après, j'ai gagné un peu d'argent. Et puis, je me suis dit, c'est pas ça ce que j'aime. Je voudrais bien, j'aimerais bien. Moi, je cousais beaucoup, tu vois, pour moi. Asking for a whole lot of me, yeah. je me suis dit, oh, je vais faire un truc avec ça. Et donc, je ne sais plus comment j'ai commencé, mais j'ai commencé à faire une première collection. Assez tôt. Ouais, assez tôt. J'ai fait 3 ans plus de Clignancourt. Après, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Puis je faisais la saison, l'été, avec le combi. Je déballais mes fripes dans des endroits bizarres, genre au Segor, dans le sud de la France, l'île de Ré, enfin, tu vois, des endroits comme ça. Et les gens, ils se foutaient de ma gueule, en fait. Pourquoi? Parce que c'était décalé. Personne ne le faisait? Non, personne ne le faisait. Personne ne le faisait, c'était en 90. 89, même 87, pardon, je ne me rappelle plus, enfin un truc comme ça. Et c'était bizarre parce que moi je sortais des shorts en éponge vert fluo, enfin tu vois, des trucs un peu. Et les gens ils s'arrêtaient, les gens du marché s'arrêtaient et ils disaient, mais elle est folle celle-là en fait. Mais ça fonctionnait? Non, pas sur les marchés. Non, là j'ai pas gagné d'argent, jamais. Une erreur, mais en même temps une école. Oui, oui, c'était, oui, bah, il faut apprendre de ses erreurs pour pouvoir comprendre comment ça marche. Quoi. Et en rentrant à Paris de ma saison, j'ai commencé à dessiner, j'ai acheté des tissus et j'ai commencé à faire des trucs. Alors voilà. C'est sur le torse, t'as pas de formation académique? Je n'ai aucune formation de stylisme, aucune. Mais c'est merveilleux parce que... J'ai appris en regardant mon père, en fait. C'est une belle école. Ouais, mais j'ai tout appris par contre. Les matières, parce que lui, il faisait déjà les marchés aussi. Okay. Donc le week-end, le dimanche, s'il allait au marché le matin, il m'emmenait et il me disait toujours, allez, vas-y, touche-moi ça, qu'est-ce que c'est? Touche-moi ça, qu'est-ce que c'est? Touche-moi ça, qu'est-ce que c'est? Et ça, j'ai appris avec lui, en fait. Hein. Toutes les matières, maintenant, juste avec les yeux, je peux voir qu'est-ce que c'est la matière. Quand c'est évidemment des matières nobles, la soie, les cotons, les lainages, tu vois, après, les synthétiques, c'est plus difficile, mais... Mais bon, en tout cas, ouais. Mais tranquillement, tu t'es forgé, tu t'es... Ouais. À force de gagner et de perdre, t'as quand même trouvé ton chemin. Ouais, enfin, j'ai trouvé mon chemin. Je l'ai fait bien pendant un moment. Donc j'ai fait... Ensuite, comme j'étais toujours au puce, j'avais des sous. Ah oui, j'ai, c'était super. Me et je me suis installée. Je me suis installée rue Rochebrune. C'était dans le 11e, dans mon quartier du coup. 80, bah là du coup c'était je crois 92 ou 93, j'ai ouvert une boutique style donc avec mes créations. Alors je suis partie, mes dessins je les ai pas fait tout de suite à Paris, je suis partie en Asie, je suis partie en Inde, au Népal pour aller chercher du textile, pour mes textiles et trouver des gens avec qui travailler. Ouais. Et comment tu peux recruter des gens pour travailler dans... Ah bah, t'es au Népal, il faut te remettre dans le contexte, dans les années 90, il n'y a pas grand-chose. Personne ne fait encore de style en Asie, même pas Isabelle Marant, que maintenant elle en fait beaucoup, et Hiro et d'autres. Et si tu veux, en arrivant là-bas, très vite, moi je me suis fait copain avec tout le monde. Et voilà, j'avais mes patrons, j'avais fait tous mes patrons en carton, facile à transporter et qui s'abîme pas. Et du coup voilà, j'ai fait deux trois ateliers, j'ai fait des samples, des exemples, montre-moi ça, et le meilleur il a gagné. Et puis tu as ramené ça après. J'ai travaillé avec eux pendant 10 ans. Et c'était, tu vas chercher tes textiles là et tu ramènes ça ici et tu travailles ici. J'ai fait les deux, j'ai trouvé mes textiles là-bas. J'ai monté mes pièces là-bas dans mon atelier que j'avais fait, que j'avais formé. Ah, tu avais un atelier là. Ouais, et aussi un atelier ici à Paris, rue... pareil, dans mon quartier, dans le 11e. Et ça a duré... 92... J'ai arrêté... Après, j'ai beaucoup travaillé. Hein. Là, après, j'étais devenue une petite star un peu de la mode. Je faisais les salons, les exports en Japon, je vendais beaucoup au Japon. Et t'es-tu vu comme une excentrique encore? Pas excentrique, non, mais un peu décalée. Décalé. Mais pas excentrique, enfin j'en sais rien. Je sais pas comment me voient les gens. J'en sais rien. Ah, ça c'est vrai, c'est vrai. On sait pas comment me voient les gens. Mais là, c'est en allant en Asie, un peu partout, en amenant ça ici. T'étais une des premières à ramener des textures. Ah ouais, d'Asie, ouais. Ah ouais, c'est clair. Thank you. Après, les deux premières années que j'ai ouvert ma boutique, j'ai fait ma saison à Ibiza. Okay. J'ai ouvert une deuxième boutique à Ibiza. Et là, c'était rigolo aussi. Parce que là, alors là, pour le coup, j'étais pas décalée ni excentrique parce que tout le monde était fou là-bas. Donc c'était génial. Ta place, mais tu te sentais à ta place. Ah ouais, c'était magnifique. Ouais. C'était magnifique. Il y avait que des dingues. C'était génial. Et là, et en termes de mode, c'était complètement. C'était génial, génial. Est-ce que c'est rassurant de voir qu'il y a des gens qui sont aussi aussi décalés que toi, aussi excentriques que toi? Là-bas. Moi, là, aujourd'hui, je me trouve non, pas mais, excentrique. Non, mais là-bas, quand tu t'es retrouvée avec... Non, parce que c'était... Okay. C'était normal. Là, c'était rentre, normal. Ouais, là, t'étais rentré à la normalité. C'était normal. Tous les gens étaient normaux, en fait. Ouais. C'est ici que c'était pas normal, ouais. Ou ailleurs que c'était pas normal. Tout le monde était habillé en noir, tout le monde était habillé en gris. L'hiver, c'était noir et gris à l'époque. Hein. Ouais, ouais. L'été, c'était noir et gris encore. Il y avait peu de variations. Non, il y avait peu. Et moi, de revenir, j'avais été au Népal, puis ensuite j'avais été en Inde pour trouver aussi des matières premières comme les cotons assez bruts et les soies. Et là, il y avait des couleurs, c'était incroyable. Et avec mon instinct un peu primitif, c'est vrai que j'ai commencé à mélanger des tons un peu inadaptés pour l'Europe, en tout cas, ouais. À l'époque. Mais pourquoi souvent, lorsqu'on achète des vêtements, on nous dit « Non, cette couleur-là ne va pas avec cette couleur-là. » Ben, je sais pas, ils sont cons. Non, mais par exemple, pourquoi on m'a toujours dit que le bleu et le brun ne fonctionnent pas? Je sais pas, hein? C'est débile. Mais la convention vient d'où? Le conventionnel, en tout cas, il vient du luxe, de la mode et du luxe. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la mode et le luxe, il n'y a personne qui s'inspire de rien. Ils s'inspirent tous de la rue. Ouais, ok. T'as compris? En fait, c'est l'urbanité. C'est l'urbanité qui déclenche la mode aussi. Et dans toutes les collections de mode actuelles, n'importe qui, hein, ils vont s'inspirer soit d'un voyage parce qu'ils sont partis, je sais pas où, à Malaga ou je sais pas où. Alors après, bon, après, tout le monde a commencé à partir. Okay, okay. Après, c'est vrai que... Et donc, pourquoi il n'y a aucune convention, il n'y a aucune... Par rapport au... Non, parce qu'en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que chacun a son propre goût. Oui, oui. Et parfois, le goût des autres, il peut être surprenant et il peut être intéressant. Ouais. Ça veut dire que... Faut pas fermer des trucs, enfin tu vois, il n'y a pas que... Parce que nous, en Europe, on a plutôt des goûts assez classiques, un peu imperméables, entre guillemets. Ça veut dire que, bon, tu mélanges pas ci, tu mélanges pas ça, tu fais pas ci, tu fais pas ça. Always best. fait, parfois, si tu descends dans la rue, comme on dit, et que tu observes, tu vas avoir des trucs assez rigolos et qu'ils vont pouvoir te éveiller en toi aussi quelque chose de fort qui te permettra d'aller chercher ailleurs une idée, un style, un coup de crayon, j'en sais rien, tu vois. Mais après, pour revenir à ta question, le bleu et le marron, c'est oui, ça ce que tu as oui. dit ? Oui, parce que tu as une couleur chaude, une couleur froide. Après, c'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle, après, c'est vrai qu'on a, t'as des gammes. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des gammes qui se mélangent un peu moins bien parce que tu as les couleurs chaudes et les couleurs froides. Alors, c'est parfois ensemble, ça fait des trucs chelous, mais c'est comme quand. Mais c'est pas parce que c'est bizarre que c'est moche, en tout cas. Oui, mais qui a instauré ça Ah, j'en sais rien, des cons. Okay. Ouais, ouais. Bah non, mais c'est les trucs de la mode en France. Il y a des trucs de mode, enfin tu vois, des groupes, voilà, des écoles, des machins, voilà, ils sortent des gna gna gna, ils calculent, ils font des, tu vois, et ils sortent, ah bah cette année gna gna, et chaque pays a son petit truc. Si tu vas au Japon ils se marient en rouge, nous on se marie en blanc. Si tu vas tu vois ce que je veux dire, chaque endroit, chaque continent a ses couleurs, ses conventions, ses idées. Ouais. C'est donc un autre endroit, ils vont mélanger très bien le marron et le bleu et ils diront mon Dieu, ce que c'est beau. Mais alors, tout est relatif. Absolument. Ouais. Après, tout est relatif et chacun son goût. Après, je dis pas, c'est moi-même la première. Des fois, je critique, je dis ah non, mais non, ça va pas. Parce que c'est mon regard. Mais je devrais peut-être pas dire ça va pas. Je devrais peut-être dire ça me plaît pas, tu vois. Ah oui, ok. Parce que en fait, c'est ton point de vue que tu. C'est mon point de vue. C'est mon point de vue. Mais quand même. C'est mon point de vue, mais quand même. Quand même, on pourrait quand même dire qu'il y a quand même quelques petites conventions. Ouais, okay. Mais qui ne sont pas des conventions. Précisément. Ouais, voilà, c'est pas immuable. Mais en tout cas, c'est vrai que je me souviens qu'au Japon, à l'époque, dans les années 80, et depuis toujours, ils mélangent les bleus et les noirs. Ils mélangent, bon, que le bleu et le noir. Dans d'autres pays, par exemple en Inde, hein, tu vas mélanger des couleurs incroyables, des rouges, des roses, des oranges, des bleus, des verts, des fuchsias. Et donc, c'est surprenant et c'est magnifique. Donc après, quand tu te dis que ça c'est possible, eh ben, tu te dis que tu peux partager aussi cette idée-là avec les autres. Ah ouais. Et alors au début, c'est un peu complexe parce que quand tu arrives à faire une jupe avec du bleu et du noir et que tout le monde te regarde en te disant « mon Dieu, qu'est-ce que c'est de mauvais goût ?» Toi, ça te fait marrer, mais tu t'en fous en fait. Et après, c'est comment toi. Il faut déjà croire en soi, puis pas trop se déranger du regard des autres, parce que quand tu veux te fondre à la société, puis t'es habillé d'une manière plus excentrique, attends-toi à te faire regarder, c'est ça, hein? Puis même juger. Ouais. Il faut déjà avoir une bonne estime de soi, puis. C'est vrai. Ou pas, et puis tenter sa chance. Ouais, ouais. Mais. Lie to fuse. Hey, hey, hey, hey. Faire dire que tu étais à côté de la plaque au niveau des couleurs, au niveau des styles que... Non, je crois pas. Non, c'est pas ça. C'est que moi, j'avais déjà mon goût très pointu. Moi, je suis née dedans. Hein. Ah, ouais. Les couleurs, les trucs, les tissus, les matières. Est-ce que ton père, en te voyant évoluer, a dit « Ah, oh, ma fille, je suis très content de voir comment tu... » procède et comment tu... Ouais, il a été très fier de moi. Il est décédé maintenant et j'étais à, il y a longtemps, ouais. Il y a 20 ans déjà en fait, okay. Maintenant. Il est mort jeune. Il est mort jeune, mais trop jeune en tout cas. Mais oui, il savait que j'avais cette capacité en fait. Et son plaisir, c'est d'avoir retransmis la transmission. Ouais, mais ça, il a pas... Je crois qu'il s'est pas rendu compte. Okay. En fait, c'est ma famille, dans ma famille. Je suis la seule à faire ça, okay. Mais chez moi, tout le monde fait, mais c'est ancestral en fait, la couture chez moi, okay. En fait. C'est enraciné. C'est enraciné, ça a toujours été comme ça. Mon grand-père, ma grand-mère, tout le monde, mon père, enfin tu vois, ah, ouais, pas tout le monde, mais en tout cas mon père, oui, et mes grands-parents, et mes arrière-grands-parents, et moi. Ben, ouais. Et donc c'est rigolo parce que dans la famille, tout le monde dit... Ah ouais, mais toi, t'as repris le flambeau, en fait. Enfin, à l'époque, on disait ça, parce que j'ai monté mes boutiques et tout. Donc, mais en fait, c'était inconscient. Mais en fait, je suis amené un peu plus haut ce que ton père avait commencé. Ah oui, lui, il était... Oui, c'est clair. C'est clair, lui, il était... Il n'avait pas les moyens non plus. Il n'avait pas les moyens. Et c'était pas la même époque. C'était pas la même époque. Lui, c'était vraiment un truc de survie. Mais au début, moi, c'était un truc de survie aussi. J'avoue que c'était pour survivre. Mon idée, elle était, il faut survivre ici, mais pas à n'importe quel prix. Ça veut dire, j'ai pas envie de les pointer. T'as compris? Mais tranquillement, t'as voulu bifurquer puis abandonner un peu la mode, c'est ça que tu m'as dit tout à l'heure. Pourquoi t'as... Puis je suis revenue au vintage. Ouais, c'est ça. Mais qu'est-ce que t'as fait? C'est très rigolo parce que j'ai commencé comme ça. C'est le retour aux sources. Ouais, c'est le retour aux sources, mais vraiment, hein. Je le sens dans moi, en fait. Hein. Oui, mais pourquoi tu as voulu abandonner le style? Ce que tu faisais? Ça gaspillait trop. C'était... gaspillait trop? Ouais. C'était trop gaspillé. De temps ou de matière? De matière, de tout. Du jean, de tout. De tout. Je voyais en Inde, dans les petits villages, c'était trop gaspillé. Ok. Gaspillé les matières premières, c'était horrible. La dernière collection que j'ai fait du jean. J'ai voulu faire un truc sympa, un peu, tu vois, décalé, du jean violet, j'avais du jean violet, j'avais du jean bleu électrique, j'avais, tu vois, j'avais envie de faire des trucs un peu, tu vois, et j'ai vu, en les fabriquant, en les montant, et c'était déjà trop tard, que les matières, donc les couleurs, enfin le jean déteignait parce qu'on utilisait de la couleur qui n'est pas de la couleur naturelle, okay. Hein, ah ouais. Et même en Asie, et enfin toutes ces petites choses-là, ça m'a inquiétée. Oh, mais c'est important aussi, là, si tu fais... Hyper important. Moi, ah ouais. la collection de jeans, je me suis perdue totale et j'ai dit j'arrête. Parce que c'était du gaspillage. Parce que chaque année, il me restait... Je vendais pas tout, il me restait des trucs, des tonnes de trucs. Ah ouais. Moi je les donnais. Hein. Normalement, on n'a pas le droit de les donner. Il fallait les brûler. Mais moi, je pouvais pas brûler mes trucs, quoi. Mais non. C'était pas possible. Surtout quand il y a des pauvres. Pourquoi... Non, mais je pouvais pas, pas brûler. Non. Donc je faisais des sacs et je donnais. Alors voilà. Après, t'as des problèmes parce que quand tu déclares, enfin bref, c'est compliqué. Pourquoi vous pouviez pas les garder? Enfin, vous deviez les brûler, pourquoi? Mais parce que sinon, tu peux pas déclarer que t'as ton stock, il est... Enfin, c'est... C'est bureaucratique. Okay. C'est bureaucratique, voilà. Et est-ce que ça a changé ou c'est toujours la même chose? Ah, c'est toujours pareil. Ah ouais. Ah, t'es au courant? C'est horrible. C'est fou. Donc voilà, il y avait ça, il y avait l'éthique, il y avait les tissus, la fabrication. Mais j'adorais, hein, parce que moi j'ai travaillé dans un atelier, c'était magnifique. Les femmes dans une pièce énorme comme ça, toutes assises par terre, toutes en train de découdre ou de coudre ou de tous les trucs qui étaient faits à la main, bien traitées parce que l'atelier que j'avais choisi, le mec je le connaissais bien et c'était devenu un copain. Il avait un respect énorme pour les gens, d'ailleurs il est devenu maire de son village. Et c'est rigolo parce que, il fait des pauses toutes les 4 heures. Enfin, le mec, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Mais moi, déjà, je travaille dans un cadre comme ça, dans un environnement un peu éthique aussi. Okay. Pour moi, c'est primordial. Et puis ensuite, bon, les petites conneries, tes trucs arrivent, ton jean déteint, enfin, tu gaspilles, enfin, voilà, plein de choses. Et puis j'étais... Et trop de temps, trop de dépenses d'argent, faire les salons, là. C'est fatigant. Non, c'était épuisant et c'était pas. Ça me. Non. Je suis revenue à mes origines. Si je vous ai bien compris,